ne crois pas au plus simple. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne crois pas toujours à l'évidence. Ne pleure pas, ne crois pas aux rumeurs, à toutes ces manigances. Non, ne pleure pas, ne pleure pas, ne crois pas, ne crois pas que le diable fasse sa révérence. Non, ne compte pas, ne compte pas. Ne crois pas, ne crois pas que quelqu'un te sauvera. Personne te sortira de là. Non, ne crois pas, ne crois pas que les gens auront pitié de toi. Non, n'y compte pas, n'y compte pas, ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas qu'il y ait une gloire à tout ça, qu'il y ait une gloire à tout ça. Ça sûrement pas, ne crois pas, ne crois pas au miracle. Et que l'argent te tombera dessus comme ça. Non, ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas au miracle. N'y compte pas, n'y crois pas, n'y crois pas, n'y crois pas, non, n'y crois pas, que en toi ne crois que en toi, ne compte que sur toi, ne compte que sur toi.